rivière. J'étais assis sur un tas de pierres. Je profitais de la lumière pour éclairer mes prières. Tout seul, le monde tremble. Tout seul, parmi les miens. Tout seul, je veux rien comprendre. La misère.